Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous, avec nos invités de ce soir. Au fait, on va peut-être s'appeler par les prénoms, ce sera plus simple. Ça sera plus facile, oui. Donc Christine. Et Claude. Et Claude, Didier, ouais. Donc. Didier, voilà. De Chaussures-sur-Mosdot. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis on va parler bien sûr du vous faire de Chaussures. Et puis de cette fête qui se prépare activement, hein, je vois ça. Donc qui va avoir lieu le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Donc on sera le 8. Le 10 et 11 août. 10 et 11, ah oui, voilà. Oui. Ça tombe en même temps qu'une fête musulmane, hein, tiens, en fait. Ah d'accord, ça j'étais au courant. L'Aïl Kébir. D'accord. L'Aïl. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par l'histoire de ce Houphère. Parce que les Houphères, il y en a quelques-uns dans les Vosges. Hein, c'était pratiquement les seuls outils de scierie qui pouvaient exister. Enfin, les seules machines de scierie qui pouvaient exister autrefois. Donc là, c'est Claude qui va prendre la parole, puisqu'il est connaît, un petit peu plus. Il connaît bien. Un petit peu plus, parce que je suis donc guide bénévole au Musée du Bois depuis quelques années maintenant. Eh bien, oui, dans les Vosges, il y avait jusqu'à 350 Houphères, environ, qui fonctionnaient avec la force hydraulique. Donc, ils étaient tous au bord d'un cours d'eau. Bien sûr. Eh bien, celui-ci, je vais en parler aujourd'hui, eh bien, au Musée du Bois de Saulsure, ce fameux Houphère est sur ce ruisseau du rue de Bamont. Donc, c'est au bas du rue de Bamont. Voilà. C'est facile à trouver, c'est 600 mètres après la pharmacie, quoi. Voilà. En gros, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la montagne. Du rue de Bamont. Voilà, tout à fait. Et après, on prend la route de gauche et on commence à monter un tout petit peu. Voilà, c'est presque au village. Voilà, quasiment au village. Eh bien, cette histoire démarre en 1827, puisque l'inspecteur des eaux et forêts de Remiremont autorise Jean-Nicolas Bastien à transformer le moulin en scierie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, c'était donc un moulin. Un moulin. Il y avait donc énormément de petits moulins, hein, c'est pareil, au bord de ces cours d'eau. Et comme des tous moulins, ces moulins qui broyaient beaucoup des fèves, voilà. Des noix. Oui, tout ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Hein, noix, peut-être seigle. Pour faire de l'huile. Ah non, oui, pour faire de l'huile, le pain, tout ça, oui. Oui, il y avait aussi le seigle, bien sûr. Oui, oui, oui. Et dans d'autres régions, les moulins à huile étaient plus rares, je crois. Oui, on en connaît un, à Storkelsum en Alsace, maintenant. Ah bah oui, bien sûr. Il fallait des noix. des noix. Voilà. Il y a peut-être le lin, je ne sais pas. Enfin, voilà, c'est toutes les choses de l'époque. Puis après, avec l'ère du textile, il y a eu aussi des moulins pour les féculeries. Bien sûr. Voilà. Hein, parce que ça servait dans l'industrie textile. Voilà. Pour broyer les pommes de terre et transformer en fécule. Mais nous allons revenir donc à ce magnifique Houphère pour scier donc le bois. Mais en 1944, il était incendié, puis reconstruit. C'est un bâtiment tout en bois. Oui, bah oui, évidemment. Hein, c'était juste un chapeau qui couvrait cette machine. Voilà. Parce que c'était, bon, rentrer le bois par le côté, hein, les chariots déchargeaient, on sciait le bois. Il suffisait d'avoir un abri, quoi, pour cette scie. De toute façon, ça fonctionnait à l'eau, donc l'humidité, c'est pas trop grave. Le vent ressuyait le bois. Et puis ça fonctionnait comme ça. Mais enfin, après, quand il était reconstruit avec une deuxième aile de bâtiment. Pour Et c'était en quelle année ? En 44. En 44. Donc il était brûlé par les Allemands. D'accord. Donc je pense que c'était très intéressant de brûler la Syrie quand même pour empêcher la reconstruction. Puisqu'on sait quand même qu'il y a eu beaucoup de... Oui, puis les Allemands avaient fait la politique de la terre brûlée un peu. Voilà. Sur l'eau de la vallée surtout. Mais... Donc au niveau des fermes, il y en a eu... Pas énormément sur Saulsure, hein, mais le musée, ils ne l'ont pas loupé. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, eh bien, elle a été reconstruite. Et le 28 mars 1988, fin de l'activité, le dernier sagan avant la scierie à la SCI Les Chalets. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le sagar. Le scieur. Voilà, c'est le scieur. Ça vient de l'allemand Siegen, puisqu'on est quand même proche de la frontière, hein, avec de l'ex-frontière. avec l'Allemagne, hein, l'Alsace. Les hauteurs ont été beaucoup exploitées par des Suisses, des Suisses allemands, voire autrichiens. Oui, hein, oui. Yes. Et puis une partie, y compris notre patois, est quand même d'origine germanique, hein, même voilà. Si la plus voilà. grande partie est d'origine romane. Oui. Romane, plutôt. Comme la Schlut, la Schlitt, on peut y revenir aussi, qui vient de l'allemand glissé, donc... voilà. Ouais. Donc le Sagar, ça vient de l'allemand Segen. C'était une exploitation familiale à ce moment-là. Oui, en général, c'était familial quand même, oui, mais. Mais après, c'était. Parce qu'il y avait une ferme à côté quand même, donc en général, le Sagar, il vivait sur place avec toute sa famille. Quoi. Et puis des produits aussi de sa ferme, pas uniquement du sillage. Bon, là, je ne sais pas exactement cette histoire. Enfin, voilà, le dernier Sagar, c'était donc un viola, et il a vendu la Syrie, puisque toutes les petites Syries se sont arrêtées. Quoi. Mais là est intervenu en 1994, la Syrie devient site patrimoine et accueille ses premiers visiteurs. Parce que là est intervenu, comme je disais tout à l'heure, M. Braga, qui habitait tout proche, là. Qui est décédé récemment. Uh-huh. Il s'est dit que ça serait quand même dommage de laisser filer un patrimoine pareil. Donc il l'a déjà pas mal restauré, il a mis en place cette association. Voilà. Et après, le bâtiment a été repris par la commune. Et c'était hein? En 94. Là. En 94. La Syrie devient un site patrimoine. Récent, entre-temps, il y a eu un peu abandon du... Oui, c'est ça, entre 88 et 94, ça fait 6 ans de battement, voilà, ou ces choses-là. Alors la remise en état du haut fer et puis de la Syrie en général a pris quand même quelques temps, je crois. C'était surtout la scie était en bon état quand même, mais c'était plutôt la roue qui commençait à avoir vraiment des signes de faiblesse. C'est une roue à eau ? Et c'est une roue à auger. À auger, oui. Oui. Donc, je ne sais pas si vous faites la différence entre la roue à aube et la roue à auger. Je ne sais pas trop la différence. La roue à aube, c'est le ruisseau qui passe par le dessous et qui pousse ses pales, en fait. Oui. Et là, la roue à auger, eh bien, l'eau vient par le dessus, par un canal d'amener. Et ça remplit ses augets. Donc, en l'occurrence, là, 10-12, qui font environ 25 litres, donc 25 kilos de balourd. On en remplit 10-12, ça va faire 250 kg de balourd, et c'est ça qui va entraîner cette roue. Par l'intermédiaire d'engrenages ou directement ? Et après, il y a les engrenages, il y a tout ça, il y a tout ce système d'engrenage. Pour accélérer avec la démultiplication. Donc ça, c'est des trucs techniques, si vous voulez les voir. Ce petit document technique, il est au-dessus de la roue, et ça, je vous invite à venir le voir, par exemple, ce week-end. Bien sûr. Lors de cette fête du haut fer. Oui, le haut fer, ça se présente comment ? Parce que je suppose que nombre de nos auditeurs ne sait pas ce que c'est qu'un haut fer. Hein, là, tu as décrit, si tu veux, cette roue à auger. Oui. Hein, qui sert à entraîner en quelque sorte les engrenages et le haut fer. Mais le haut fer, comment ça se présente ? Alors, pour revenir à cette roue, comme elle était en très mauvais état, c'est les élèves du LEP de Saulsure, puisqu'il y avait plus de 300 élèves qui avaient été aussi. Philippe Braga avait été aussi très impliqué. Ça faisait un chantier école, en quelque sorte. Oui. Mmh. Oui, et puis il y avait aussi les matériaux souples pour la couture, pour toutes ces choses-là. Donc, bien sûr. Il y avait vraiment un super beau LEP avec internat et tout ça. Qui a quasiment disparu, quoi, qui est passé sous la coupe. Il y a encore des formations d'adultes, je pense, qui se passent là dans ce. Oui, et plateau technique pour le lycée de Malraux. André Malraux. Voilà. C'est pas tout à fait perdu. Syrie, puisqu'ils sont venus encore nous la réparer il y a 2 ans. Le tambour. Et puis en même temps, ça sert de collège de secours pour Vanier. Voilà, actuellement. Voilà. Donc revenons alors. Je pense pour encore un certain temps, parce que. Le temps qu'il soit reconstruit. Avant qu'il soit rasé et reconstruit, oui, puisque complètement, ça, hein. Le collège de Vanier. Enfin, ça compte à peu près une année à deux. Hein. Alors on revient à cette roue qui est en mélèze, rayon en chêne. Alors elle fait donc 4,20 m de diamètre. Donc c'était quand même très imposant. 1,25 m de large, 56 augées de 25 litres, comme je reviens, et ça donnait donc une puissance de 4 à 5 chevaux. Ça, c'est important, puisque c'est ce qu'il fallait, a priori, pour faire fonctionner un haut fer. Parce qu'à l'époque du moulin, je pense qu'il n'y avait pas cette puissance-là. Mais comme nous profitions d'une cascade assez importante, qui fait environ la hauteur de cette roue... Elle n'est pas trop à sec aujourd'hui, cette cascade. Ça va, il y a assez d'eau pour vous faire tourner. Il y a des oranges. Ça va à peu près. Disons que les petits oranges sont très intéressants pour ce fonctionnement. Voilà. Alors, eh bien, cette roue, elle entraîne donc cette mécanique... Eh bien, ce haut fer, c'est une lame verticale qui descend donc, qui est une scie alternative, qui scie du haut vers le bas. Donc la mécanique, elle est en bas, en fait, au sous-sol, là où il y avait le moulin à l'époque. Et puis le fer, lui, il est en haut. Je pense que c'est pour ça que nous avons appelé cette machine le haut fer. Voilà, et ça scie du haut vers le bas. Alors, pour ceux qui ont pu visionner le film Les Grandes Gueules, on voit à certains moments dans ce film fonctionner en haut fer. Voilà, tout à fait. C'est, tout à fait le Ciri du Haut-Béillard qui était. Voilà. Et les visiteurs peuvent descendre une trappe qu'on leur ouvre avec un escalier, ils peuvent aller voir le fonctionnement de toute la mécanique, avec les courroies, avec les engrenages et tout ça. Là, c'est très intéressant pour les visiteurs. De voir le fonctionnement, donc on fait tourner la roue et le haut fer, et on voit qu'on les fait descendre en dessous. Alors que faisait-on avec ce haut fer, finalement? Ah ben finalement, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Bien, vous savez que dans nos Hauts-de-Vosges, il y a quand même beaucoup d'épicéas et beaucoup de sapins. Oui. Donc eh bien, ça servait à scier ces fameux bois. Oui. Oui. Oui. Alors, donc là, d'une scierie, somme toute familiale, on a fait quand même pas mal de production, j'allais dire, industrielle par la suite. Enfin, une petite scierie, bien sûr, parce que les hauts fers, ça avait la réputation de manger beaucoup de bois. Ici, il y a des planches, peut-être, pour certaines... petites commandes, pas des grosses commandes, mais au moins des petites commandes. Quelquefois pour les particuliers. Voilà, oui. Ceux qui avaient besoin de bois pour refaire une charpente ou des choses comme ça, ou des planches. Ouais. Ça servait surtout à l'économie locale, quoi. Voilà. Puis en général, le haut fer, eh bien, on faisait quand même de la poutre au carré, comme on voit beaucoup la grosse poutre ici dans nos Hauts-de-Vosges, quoi. Oui. Bien après, il fallait d'autres scies. C'est pour ça qu'il y avait eu cette deuxième aile de bâtiment, là. Pour débiter les planches. Il y avait une multiple, il y avait des scies circulaires, il y avait toutes ces choses-là, quoi. Bien sûr, mais dans un premier temps, c'était pratiquement le seul outil qui existait, le haut fer, pour scier du bois, à l'origine. Eh bien, à l'origine... À moins que, bien sûr, les personnes écarissent elles-mêmes leurs poutres. Voilà, on le montre aussi, oui, avec ces haches, on montre énormément de tous ces métiers au musée du bois. Donc ça, si vous venez le week-end prochain, vous le verrez. Dans ma jeunesse, j'ai carré des poutres comme ça. Ouais. Mais il y avait aussi un autre système qui existe depuis le Moyen-Âge, c'est donc le scieur de long. Ah oui, bien sûr. Avec cette chèvre, et puis on plaçait ces pièces de bois, là, et puis ma foi, à deux personnes, le renard et le chevrier, eh bien donc, débitaient ces planches et ces grosses poutres. Alors ce week-end, justement, on va essayer de mettre en place pour qu'on puisse voir ce... Un chantier de scieur de long. Voilà, c'est voilà. Ça. Oui. Il y aura aussi fabrication des scies, il y aura plein de choses à voir, donc bien sûr le fonctionnement du haut fer. Et puis on pourra visiter avec une entrée à 5 euros, donc la boisson, bien sûr une boisson offerte, au fer, comme on dit. Et puis ils pourront visiter le musée, il y aura des guides, quatre guides, je crois, qui seront là pour prendre des petits groupes et expliquer un petit peu tout le fonctionnement. Voilà. Ça se faisait déjà régulièrement. Oui. Oui. Oui. C'est pas trop connu, finalement. Hein. Là, c'est la deuxième. On parle celui du défilé de Stretur. Beaucoup, oui. Hein, mais peu de celui de Saulxures-sur-Mozotte, alors que finalement, on est dans la même, dans la même démarche. Dans une région un peu différente. Quoi. Comme le Lensoir, c'est peut-être un peu plus... C'est une turbine qui fait tourner, hein, je pense. C'est une turbine qui fait tourner. C'est pas du tout pareil. Oui. C'est-à-dire que c'est déjà plus industrialisé. Voilà. Un petit peu plus moderne, si on veut. Un peu plus moderne. Voilà. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ben nous profitons justement de cette belle cascade qui permettait d'avoir cette roue de 4,20 m de diamètre, qui est impressionnante quand même. On peut la voir du haut, on la voit du fond, si on descend dans, dans les entrailles de la machine. Et quand il y a un manque d'eau du ruisseau, donc on a un moteur de substitution quoi, pour pouvoir le faire tourner. Oui, c'est ce que j'allais demander, justement, parce que c'est vrai que la plupart du temps, l'eau est en abondance dans les Hautes-Vosges, en particulier à Saulxures-sur-Moselle, mais il peut y avoir des années comme l'an dernier, comme 2003, même cette année, où il y a un déficit d'eau. Mais ça va, bon, on a quelqu'un, un spécialiste qui sait un petit peu... Oui, faire la part des choses entre, voilà. Ils ont tous, entre l'énergie électrique et puis l'énergie hydraulique. Voilà, les bénévoles et les guides ont tous une spécialité, si on veut bien, pour entretenir, pour moderniser, voilà, un petit peu ce offert. Alors je voudrais quand même qu'on reparle un peu de cette reprise de cette scierie, hein, de ce offert par le patrimoine. Alors aujourd'hui, c'est une association qui gère. Comment ça se passe exactement? Alors c'est une association de la restauration, la protection du patrimoine, que Philippe Ragard avait mis d'ailleurs à... C'était le premier président. Le premier président. Oui. D'ailleurs, il était devenu notre président d'honneur une fois que Jean-Jacques Claude avait repris la présidence. Et là, maintenant, on est à plus de 80 bénévoles, donc plutôt adhérents, je vais dire. Alors qu'on était démarré vraiment très très bas. Et là, ça fait 3 ans à peu près qu'on a repris. Et puis qu'on essaye d'animer, de faire des animations, de faire. Essayer de promouvoir ce musée. Voilà. Et là, il y a une déclaration à faire au patrimoine? Non, c'est recensé au patrimoine? Tout à fait. Même en préfecture. Mmh. Oui, oui. En préfecture, directement. Oui, c'est tout à fait sérieux. Hein. C'est sous la loi 1901, hein, comme toutes les associations. Mais c'est vraiment répertorié dans le patrimoine. Hein. Et le bâtiment lui-même avait souffert par le temps, dans la durée? Non, c'était... Oui, bah oui, mais comme il avait été reconstruit en 1944. Voilà. Mais à peu près 2 ans, Jean-Jacques Claude m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il y a eu 2 ans après 1944 avant que ce soit opérationnel. Quoi. Voilà. Et puis là, bon, et ça redevenait un petit peu vétuste, Philippe Bragard avait fait pas mal de travaux, et puis là, on revient à une période où il y a besoin de reconforter un peu tout ça. Et puis nous avons un gros projet là, on ne sait pas si ça va aboutir. On espère. D'extension. C'est entièrement en bois aujourd'hui. Voilà, donc c'est gardé dans le cadre. Il y a un projet en cours. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas trop en dire parce qu'on attend que ça puisse se développer. Donc il devrait y avoir normalement un bâtiment en plus, donc avec aménager salle d'expo, enfin pas mal de choses. Ce sera intéressant pour comprendre. Et refaire un petit peu, aménager peut-être l'intérieur du musée, refaire peut-être la toiture, refaire pas mal de choses, éclairage et tout ça, pour mettre tout aux normes, on va dire. Ça peut accueillir combien de personnes en même temps? C'est quand même relativement limité. On a des fois des quarts de 50, 60 personnes. Donc là, on demande qu'il y ait au moins 3 à 4 guides et on partage les groupes. Donc il suffit que la visite démarre dans plusieurs sens. Et puis voilà, chaque guide prend à peu près 15 à 20 personnes. Voilà, maximum. Voilà. C'est aussi bien parce que c'est vrai qu'un groupe important, certaines personnes n'entendraient pas ou ne pourraient pas visionner un petit peu ce qui se passe. Quoi. Là, toute l'année, c'est ouvert pratiquement, enfin du moins les vendredis après-midi. Donc là, c'est les bénévoles et les guides qui s'en occupent. Ce qui permet de, avec l'aide de la commune, hein, qui suit une subvention, qui permet d'avoir 4 emplois job d'été pour des jeunes, donc 4 jeunes qui sont embauchés sur l'été, donc juillet et août, ce qui permet de reposer un peu nos guides. Mais quand il y a des gros groupes, on demande des fois... Les guides sont bénévoles, autrement. Ah oui, tout oui, à fait. Complètement. Ouais. Oui. C'est plus par passion qu'ils sont là. Oui, voilà. Bien sûr. À l'heure actuelle, il n'y a aucun salarié. Donc, Claude. Aucun salarié. À part nos guides qui sont payés l'été, là, nos jobs d'été. Voilà. Voilà. Bon, on va peut-être s'accorder une pause musicale. Hein. On en fera un peu plus court lors du temps. Hein. Jean Ferrat, ma France. plaines en forêt, de vallons en collines. Du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Eh bien voilà, nous retrouvons donc la fête du Haut-Fert à Saulx-sur-Somozol, donc c'est le week-end prochain. Et 10 et 11 août. Donc voilà. Le samedi, ça démarre à partir de 14h jusqu'à 19h. Et le dimanche, à partir de 10h jusqu'à 18h. Voilà. Oui, alors, je reviens quand même sur cette gestion de ce patrimoine. Ce patrimoine Saulx-sur-Hon, rappelons-le, hein, sur la route du rue de Bamont. C'est à quelques accablures, j'allais dire, du centre-ville. Hein, c'est très proche, c'est facile à trouver, d'ailleurs. À savoir, quand même, le vendredi après-midi, donc, toute l'année. Quand il fait vraiment trop froid, on évite de le faire fonctionner. Déjà, premièrement, la roue serait gelée, donc ça serait difficile. Et puis, bah oui, parce qu'elle fonctionne pas, elle ne tourne pas en tout temps. Et donc, attendre le visiteur, et quand il fait très froid, vous savez, avec une combinaison de ski, au bout d'un moment, vous avez froid aux pieds, le froid monte par les pieds, et là, on est un peu gelé. Donc, puis c'est humide. Voilà, c'est très humide, c'est très humide. Souvent, quand les visiteurs veulent venir et qu'il fait un peu frais, on leur dit, habillez-vous bien, parce que si la visite, bon, on va la faire durer, quoi, au lieu d'une heure et demie, deux heures, ça va être une heure, quoi, pour être sûr que... Il n'y a pas de chauffage. Ah non, il n'y a pas de chauffage du tout, puisque c'est juste des murs en planche et un toit de tuiles, c'est tout. Donc le froid pénètre. Et puis comme le ruisseau arrive par en dessous, automatiquement l'humidité est là. Puis le ruisseau peut être un peu pris par les glaces, enfin pas entièrement bien sûr, parce qu'il y a suffisamment de courant c'est pour l'éviter. Ou la roue qui est gelée, qui la peut être gelée gèle, et on ne peut pas la faire tourner, comme c'est comme ça, c'est pas possible. Mais autrement, alors comment que... autrement, c'est ouvert le vendredi après-midi avec des bénévoles. 14h à 18h. Mais on peut venir là comme ça, à l'improviste. Ah, comme vous voulez, oui, le vendredi, de toute façon, tous les vendredis, c'est ouvert de 14h à 18h et on accueille les visiteurs. Les groupes, bien souvent, ils réservent. Ils préfèrent réserver. Bah oui, bien sûr. Et puis là, parce qu'il faut qu'on puisse prévoir le nombre de guides suffisant. Voilà. Donc, souvent, nombre de groupes, c'est à partir de 10, 12 personnes, on peut ouvrir le musée. S'il est fermé une journée, on l'ouvrira et puis là, il y aura un guide qui pourra les accueillir. Et en dessous d'un nombre de 10-12, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir. Bah non, ça ne vaut pas le coup parce que bon là, il faut quand même mettre l'électricité, il faut quand même, voilà, c'est bien ça. Bien sûr. Donc, tout de suite, ça coûte à une association. Donc là, il y a le vendredi pour ceux qui veulent vraiment visiter en, par exemple, 2 ou 3 personnes ou 4 personnes, voilà. Ah oui, vendredi quand même, on peut venir comme ça. Comme vous voulez, il y a toujours 2, 3... Mais autrement, en semaine, il faut réserver. En semaine, il faut réserver si on est un groupe. Et le week-end, non. Le week-end aussi. Le week-end aussi, ah, ça. Oui, bien souvent. Vous faites aussi des visites le week-end. Oui, si c'est prévu longtemps en avance. D'ailleurs, on travaille pas mal avec la Belle Montagne qui nous amène souvent des bus. Oui. Donc là, c'est réservé longtemps en avance. On a déjà pas mal de groupes pour septembre, octobre, novembre. Voilà. Autrement, ce patrimoine appartient à la commune de Saulxures. À la commune de Saulxures, il est bâtiment. Bien entendu. Mmh. Et donc, la commune de Saulxures aussi se charge de faire la promotion du Haut-Fer. On trouve, par exemple, des brochures à la médiathèque. Ah oui, on en trouve. Oui, on en trouve un petit peu partout, même à la mairie, il y en a. On nous en déposer ici aussi. Voilà, et pourquoi pas, oui, on peut, oui, il n'y a pas de souci. De temps en temps. On est en train de revoir pour refaire une nouvelle brochure qui est en cours pour l'instant, on verra bien. Un petit peu changer quelque chose, puis il faut changer un petit peu, ne serait-ce que les adresses mail, remettre à jour les tarifs aussi. Alors, le conseil d'administration fonctionne bien sûr avec des bénévoles. Oui. Et il comprend, vous avez dit, une association. Une association de 80 adhérents. Voilà, à peu près 80 adhérents, donc on va dire, il y a quoi, une quinzaine vraiment de bénévoles très actifs, on va dire, voilà. Oui, comme dans toutes les associations, comme dans toutes les associations, oui. Bon, on peut compter sur les adhérents pour des fois nous donner un petit coup de main le jour où on fait une animation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Puis on a une très bonne entente à l'association, donc ce qui permet d'entraîner... Un soutien efficient de la commune. Oui, ah oui, énorme. Oui, énorme. Ah, c'est l'intérêt de la commune aussi. Oui, parce que c'est quand même, comme disait un photographe, Michel Laurent, c'est un bijou. C'est le bijou, c'est comme il dit, c'est un diamant brut qu'il faut essayer d'exploiter au maximum. Voilà. Ah, d'autant plus que Saulxures a une base de loisirs où pas mal de touristes s'y rendent. Alors, on fait aussi les pots d'accueil, donc le dimanche à 11h. Et on va expliquer le musée, justement, l'intérêt de venir visiter notre musée. À la base de loisirs. À la base de loisirs, oui. Le directeur, Johan, nous a demandé de présenter bien sûr. Voilà, le musée. Ceci est une des attractions, qu'on peut dire, des attractions touristiques. Voilà, tout à fait, oui. De Saulxures-sur-Mozotte, c'est même... Oui. On pourrait dire que c'est même la plus importante. Avec, bien sûr, la base de loisirs. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est un autre usage. C'est autre chose, voilà. Et on en fait aussi la promotion, aussi demain par exemple, souvent nous on tient un petit stand tous les deux, et on fait le marché du terroir le mardi de 16h à 21h, donc là aujourd'hui par exemple, et on met un petit peu à disposition aussi les flyers, et puis on parle un petit peu de notre fête du Haut-Fer pour ce week-end, pour les touristes, voilà. Marché du terroir, donc c'est toutes les semaines. C'est à la base de loisirs, tous les mardis, donc il y a encore 2 mardis. Donc ce mardi-ci et le mardi prochain. Après, oui, parce que là, c'est vrai que de... C'est une première mise en place. Le centre de Saulxures, ça a été déporté vers la base de loisirs. Hein. Oui, la place de la place ex de la Charme, de la Grotte Tassini, ça s'est déporté tout doucement, à part certaines fêtes comme la... Comme la Vosgienne. Si on veut bien, il y a 2 centres à Saulxures. Oui. Il y a finalement la maison de retraite avec les commerces. Il y a des commerces du côté là. Et à l'autre bout, il y a d'autres commerces. Et au milieu, il y a le cimetière et la place. Donc c'est vrai que On ne peut pas bouger, ça, c'est pas possible. Donc, automatiquement, voilà. Donc, on essaye de promouvoir la base de loisirs, essaye d'entraîner un petit peu tout seul sur aussi. Donc bien là, c'est sûr. Bien qu'ils nous fassent aussi la promotion du musée. Voilà, c'est super. Alors, la fréquence. La fréquence, jusqu'à présent. La fréquence... Enfin, le but, je suppose que c'est de développer cette fréquence, justement. Oui, un peu plus, oui. Puis bon, il faut dire qu'on fait pas mal d'animations pour essayer de promouvoir au maximum le musée, l'association, donc... La fréquence, je voudrais dire la fréquentation, plutôt. La fréquentation, elle a augmenté, hein, quand même. On était passé de... Ça augmente tout doucement. Tout doucement, oui. Voilà. Alors nous, ce qui est bon, c'est quand il pleut, là, la fréquence, elle augmente. Ou vraiment, quand il fait trop chaud, ben là, on a un petit peu de fraîcheur par le ruisseau. Voilà. Ah oui, donc il fait bon, l'été, local. J'y suis allé il y a quelques années en arrière, là. Et donc, je trouvais que c'était vraiment l'endroit idéal pour aller faire Petit tour en été, à l'heure de la sieste ou après la sieste. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Et l'entretien, donc, l'entretien des bâtiments, tout ça, c'est la commune et l'association. Pour les petits travaux et les machines, tout ce petit bazar, en fait, eh bien, c'est nous les vendredis après-midi, puis on laisse tomber les outils si les visiteurs viennent. Ah ben, voilà. Autrement, les gros travaux, tout ça, ben, on en réfère à la commune, et puis là, c'est la commune qui fait le nécessaire. Et les relations avec la Comcom, alors ? La Comcom des... Il y a une promotion en fait qui est faite par les offices du tourisme, par cette année par on a fait la communauté de communes. Cette année oui, il y a eu pas mal de choses avec le paysage, avec tout ça. Il y a eu avec le parc des ballons et tout ça. Il y a eu beaucoup de communication cette année. Ils ont venu nous visiter. Tout ça, c'est. Je pense que là, on va reprendre un petit peu de dynamisme avec tous ces organismes. Oui, parce qu'il y a deux organismes qui pouvaient être intéressés pour la promotion de. De voilà, se refaire, oui. La communauté de communes, qui est bien vaste, et puis finalement, à l'autre bout de la communauté de communes, c'était intéressant de découvrir justement ce type d'outils touristiques. Et puis, il y a le parc des ballons, bien entendu. Ah ben on a adhéré aussi, c'est à l'Office du tourisme de Gérardmer qui répartit énormément aussi, qui fait énormément de communication sur le musée. D'accord. Oui. Là, comme celui de l'Ansoir, d'ailleurs. Voilà, exactement. Mmh. Mmh. Ah, parce que je crois que, quand même, sur la communauté de communes, c'est peut-être les deux seules installations qui sont différentes. Hein, différentes. Vous l'avez décrit au départ. Ce n'est pas les mêmes visites du tout. Hein, ce n'est pas la même visite, ce n'est pas le même but, ce n'est pas tout à fait les mêmes machines. Quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est... Bon, on retrouve certaines choses, peut-être des outils, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout les mêmes lieux, de toute façon. Déjà, ça fonctionne pas de la même façon, donc... Bien sûr, c'est deux installations différentes, c'est deux sites différents qui méritent tous les deux, bien sûr, la visite. Ah, non, on a tout été visités aussi, mais c'est plutôt complémentaire, voilà, on va dire. Complémentaire, oui. Il y en a qui ont été voir le Lensois, viennent le Note ou l'inverse, et puis voilà, ils sont contents des visites des deux. Alors je reviens à la fréquentation. Quel genre de public? Et puis à peu près, il y a des statistiques un peu par an. On était à plus de 3000 visiteurs. 3000 visiteurs quand même. On essaye de passer beaucoup plus haut. Donc en faisant pas mal de promotions, en faisant pas mal de fêtes ou d'animations, on espère ramener un petit peu plus de monde aussi. Pour pouvoir après s'agrandir, si on veut bien. Voilà. Justifierait aussi un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment, c'est ça. Nouveau bâtiment. Surtout pour l'hiver, pour l'arrière-saison, pour tout ça. Pour abriter les personnes, pouvoir ouvrir peut-être plus longtemps l'année, et puis pouvoir avoir une salle un peu chauffée, avec un film, avec tout ça, pour que les visiteurs puissent se réchauffer, ou voilà, avoir un petit magasin, des choses intéressantes, ou une salle pour se réunir. Bien sûr. Donc ça c'est en projet, voilà. C'est un projet. Oui, ça avance tout doucement, c'est toujours long, mais il faut prendre les choses, dans l'ordre. Alors, on va peut-être en venir à cette fête. Oui, la fête du Mont-Fer. Oui. À cette fête du week-end prochain. Du week-end prochain. Mm-hmm. Alors, vous avez dit les horaires, donc 10h 10h, 19h pour le dimanche. Donc, il y aura quelques artisans qui seront présents. Il y aura énormément d'animations, de vieux outils. Il y aura aussi, le public pourront scier avec... Au passe-partout. Au passe-partout, voilà. Donc, et ils auront bon, leur rondelle en sous-plat ou ils en feront ce qu'ils voudront après. Et puis, on va essayer de faire une petite tombola qui permettra... de gagner quelques petites choses en faisant une animation, voilà. Alors, vous avez qui comme partenaire à cette manifestation? Bien sûr, la commune, la municipalité, mais encore, les commerçants. Les commerçants, un petit peu, mais bon, on n'a pas énormément de partenaires, je ne pense pas, de toute façon. D'autres associations? Bon, elles sont invitées à venir, hein. Donc, ah oui, d'accord, mais pas comme partenaire. Non. On essaie d'organiser le maximum entre bénévoles, entre adhérents. Quoi. Peut-être qu'après, on amènera peut-être un peu plus de monde, un peu plus de partenaires. Voilà, donc là, il faut faire du démarchage de ce côté-là. Autrement, le dimanche, ça démarre à 10h, et là, on pourra manger le repas du Saga. Alors, le repas du Saga, c'est une tartine de pain montagnard. Avec du chic à la ciboulette dessus, donc qui est fourni par nos agriculteurs. Le chic, c'est du lait caillé. C'est du lait caillé, c'est un genre de fromage, ça, tout le monde connaît, ça peut se manger avec le sucre, avec des épices, avec ce qu'on veut dedans, voilà. Soit en salé, soit en sucré. Et puis après, on met des rondelles de pommes de terre cuites à la vapeur, donc enfin en robe des champs plutôt, qu'on aura fait et tout coupé en tranches, et on mettra soit saucisse, soit lard, voilà. Et il y aura une tarte aux pommes avec... il y aura un dessert cette année. Voilà. Et il y aura des churros, il y aura des glaces, il y aura tout ce qu'ils veulent, s'ils veulent du sucré après. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a besoin... Il n'y a pas besoin de réserver. Les personnes arrivent là... Bon, si par exemple, les personnes sont un gros groupe, ils peuvent peut-être réserver. Oui, sur les flyers qui sont mis à disposition pour les gens derrière, vous avez au dos... la réservation, soit par téléphone, donc il y a deux numéros de téléphone, soit c'est Paul qui reprend avec les 07, ou le 06, c'est moi, donc voilà. Donc chaque personne peut réserver s'il a envie d'avoir une place, voilà. Autrement, on vient sur place et puis on mange directement, quoi. Voilà. Donc là, le repas est à 7 euros. Vous avez commandé du beau temps pour dimanche? Enfin, de toute façon, s'il pleut, j'ai l'impression qu'on aura du beau temps. J'espère que la météo va pas nous jouer du tout. Il y a une partie de la fête qui se déroule en plein air. Comment que ça se passe exactement? Alors, il y a une partie, beaucoup se passe en plein air. Donc, il y aura quelques abris quand même, des barnums au cas. Si on avait bien sûr. Un coup de grisou, comme on peut dire. À l'intérieur de la Syrie, non? Voilà. Non, à l'intérieur de la Syrie, c'est plus, il y aura des artisans qui seront à l'abri quand même. Ah oui, pour certains, comme par exemple, il y aura des tourneurs. Qui vont faire, c'est l'association du Ménil, les tourneurs du Ménil, donc là ils vont faire... Tourneurs sur bois, oui. Donc ils vont faire des démonstrations, il y aura de la dentelle, comment, au macramé, des genres de dentelle bijoux de bois. Miniatures. Il y aura la pyrogravure, donc le pyro-claude, là, qui sera là. Donc, il fait les porte-clés. Ça existe encore, la pyrogravure. Voilà, oui. Eh bien, je me suis remis là-dedans. Je me souviens de ma prime jeunesse. Il fait des porte-clés avec le haut fer, en pyrogravé dessus, avec, voilà, ils pourront même les personnaliser sur place, ceux qui veulent en avoir. Et la participation aux activités est gratuite? Comment que ça? Enfin, il y a l'entrée qui est payante, bien sûr. Oui, l'entrée est payante. Donc là, c'est 5 euros, l'entrée. Oui. Et puis le repas, 7 euros. Donc là, quand vous payez l'entrée de la fête, vous avez la visite du offert et puis une boisson offerte, au choix. Boisson offerte et puis la visite de toutes les activités, voilà, bien sûr. Oui, ah bah oui, la participation aux activités. Voilà, participer aux activités et puis la visite du musée, là, vous l'avez. Voilà, c'est compris dans le prix, puisque une visite du musée est à 4,50 €. Et là, 5 euros, vous avez même une boisson offerte. Donc là, ça peut être intéressant quand même. Bien sûr. Voilà. surtout, pour ceux qui veulent participer à la fête, ne pas s'effrayer si jamais Si jamais il y a des averses, on ne sait voilà, jamais. Voilà, mais il y a tout ce qu'il faut pour les abriter. Il y a tout ce qu'il faut pour abriter. Pour manger, pour boire. Et puis la visite de offert, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et à l'abri, et donc à partir de ce moment-là, ça peut même être un refuge pour certains. Voilà. À certains moments, si une averse arrive. Voilà, c'est ça. Oui, tout parce que je ne sais pas ce qui est prévu pour samedi et dimanche. Ça me plaît encore du bon Quelques temps. Gouttes, peut-être. Le samedi, c'est un peu passager. Mais dimanche, il me semble que c'est le beau temps. J'ai regardé ce matin, ça a l'air d'être à peu près bien. Donc, on va voir. Et puis, si vraiment le soleil donne fort, eh bien... On peut se mettre à l'abri aussi, il n'y a pas de souci. Comme l'année dernière, il faisait très chaud. On est dans un endroit frais. Hein. L'année dernière, il faisait très très chaud. Et c'est vrai que... Là, moi, j'étais à l'animation micro et c'était assez compliqué. On avait vraiment des gros coups de chaud. Hein. Malgré la présence du ruisseau, malgré l'oasis de fraîcheur que constitue. De temps en temps, j'allais au frais dans le musée. C'est là que, comme c'était pas mal ventilé, puis avec la fraîcheur du ruisseau, on était bien dans le musée. Voilà, oui. D'accord. Il y aura des vieux outils, il y aura des tracteurs, il y aura tout ça. Il y a énormément de choses à voir. Voilà. Parce que le site n'est pas énorme, hein, lui-même. Non, mais bon, on arrive à tout mettre quand même. Vous avez mobilisé une petite partie de la route. Voilà, les deux routes. Et puis bon, les gens pourront voir aussi. On a planté il y a une année et demie à peu près, 2 ans. L'arboretum. Donc là, il commence à bien pousser les arbres. Donc ils pourront aussi visiter l'arboretum qui est à disposition. Il y aura... Est-ce que le site à lui-même fait combien de... Je ne sais pas. De surface. Ah non. Ça se poursuit un petit peu sur le coteau. Oui, un petit peu sur le coteau. Parce qu'il y a l'arboretum qui est un peu là. D'ailleurs, on a un endroit où on a fauché exprès pour mettre corps et à corps, qui va d'ailleurs venir faire une animation. Il y aura aussi le country de Saulsure qui sera là aussi. D'accord. Il y aura Partisson. Il y a pas mal d'animations au niveau musique aussi qui seront là, le samedi et le dimanche. Voilà, donc ce qui pourra entraîner le public. D'accord, on ira faire un tour. Voilà. Il y a pas de problème. Et on invite nos auditeurs, bien sûr, à participer à cette fête. Tout à fait. On les espère nombreux, d'ailleurs. Bah oui. Bon, on va peut-être accorder une deuxième pause musicale. Alors, c'était le choix de nos invités. C'est quel titre? C'est Justin Bieber et Ed Sheeran avec I Don't Care. Ah oui, on fait un petit coucou aussi à la technicienne de ce matin, Marion. Merci Marion. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Tryna talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. Stay. 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me. nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Eh bien voilà, tu pourrais me faire un petit commentaire par rapport à ce groupe-là. Alors, apparemment, c'est ton coup de cœur. Bah, parce que c'est le nom qui m'est venu comme ça, mais c'est vrai que j'écoute toutes les musiques, même le hard rock, même le métal, tout passe. Tout passe. Ah oui, même la vieille musique, même la grande musique, j'écoute tout. Je suis toujours branchée. D'accord, alors on revient à cette... du haut fer de Solsurce au Bolosdot. Rappelons que c'est le 10 et le 11. Le 10, l'après-midi à partir de 14h et le 11 à partir de 10h du matin. Puis ça se termine assez tard dans la soirée, je suppose, surtout le samedi, non ? Le samedi, oui, 19h. On danse déjà, On danse avec oui, le country. On pourra peut-être, oui, on pourra. De toute façon, ils veulent entraîner un petit peu les gens à montrer, faire des démonstrations, et puis peut-être les entraîner à danser, pourquoi pas. Voilà. Et théoriquement, il y a un parquet. Il y a un parquet de 30 mètres carrés. Voilà, 30 mètres carrés, c'est pas énorme, mais bon. Qui est installé par la commune ? Non. Par les associations, alors c'est plus. Le comité des fêtes. Voilà. Comité des fêtes. D'accord. De Cornimont et Solsur. Voilà, les deux. Parce qu'on s'entraide énormément. Le président du comité de fêtes fonctionne énormément avec Cornimont. On se prête les chapiteaux et ainsi de suite. Ou des fois les tables, les bancs. Voilà. Quand il y a une fête à un endroit, s'il y en a un qui a besoin, on n'a pas de souci de ce côté-là. C'est toujours Jean-Paul Vaxler qui est président, non ? Je crois qu'il a... Il parlait d'abandonner son président. Non, le comité de fête, c'est... Comment ? Steve. C'est Steve qui est aux commandes. Ah, c'est Steve. Et Steve, c'est quelqu'un de super. Ah oui, jamais il s'énerve, jamais... Il sait toujours... Ah oui, et puis quand il y a une organisation à faire, il sait organiser les choses. Et bien sûr, votre association... prête la main quand il y a. Ah ben justement, l'association, le comité des fêtes nous aide beaucoup aussi. Voilà, hein, aussi. Pour le prêt des chapiteaux, pour le plancher, pour pas mal, pour les barnums, tout ça, oui, beaucoup. Et puis là, d'ailleurs, on fera venir un vieux fourneau, un vieux quatre pots, et c'est là-dessus qu'on va cuire le lard. D'accord. Donc ça, c'est, Thierry, donc Thierry qui fait partie, enfin qui est. Le ferrailleur à Solsur, donc Métaux Perrin. Voilà, donc qui nous prête le. On met directement la poêle sur le. Sur directement, le feu. Oui. Ah, on en avait pris trois. On avait les tampons et puis. L'année dernière, on avait pris trois. Finalement, un seul suffit largement. Ça marche très très bien. Ah oui. Ça chauffe bien. Ah, ça chauffe très bien, hein, parce qu'on a fait aussi une animation avec une fois des gaufres, des choses comme ça, mais ça a très bien. On peut brûler du sapin sans encrasser. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça tire, il n'y a pas de problème. On connaît. Ah, ils sont très chauds, ceux qui sont tout prêts. Hein. Voilà. Voilà. Autrement, vous-même, vous avez développé une activité... Moi, ça fait 25 ans que je suis à mon compte, hein, et là, dans tout ce qui est robe de mariée. Mais là, j'ai développé une nouveauté, c'est que... Ah oui, couturière. Ah oui, je suis couturière, mais j'ai d'autres passions. De formation. Comme je suis pêcheur à la fois, donc les poissons que je pêche, les peaux, je les transforme en sac à main. Donc je tanne la peau moi-même, avec du tanin que je fabrique moi-même aussi, avec des écorces d'arbres. Écorces de chêne. Du chêne, beaucoup du chêne, du châtaignier. Châtaignier, voilà. Bien sûr. Oui, ça, c'est. Il faut récolter le tanin. Donc, récolter le tanin, c'est. On prend des écorces, on prend une grosse marmite et on fait cuire ça pendant 4 heures à 65 degrés pour avoir l'extrait, du moelleux avec de l'eau, bien sûr. Et on filtre ça, donc il ne faut pas que ce soit du tout en contact avec le métal. Autrement, le tanin est fichu. Et après, on fait tremper les pots. Une fois qu'on les a bien préparés, on les fait tremper dans ce panin-là. Et que fait-on avec les pots, alors ? Avec les pots, donc, ce que je fabrique... alors, j'essaye... C'est quoi comme poisson ? Alors, le poisson, c'est le poisson de nos rivières. La et truite, de nos étangs. La tanche. Donc, il y a la truite, la tanche. La perche, j'ai encore pas réussi parce qu'il faut les écailler. Donc, c'est pas toujours évident. Puis, il faudrait une grosse perche. Donc, pour en faire... Il n'y a pas beaucoup de perches dans la Moselotte, si ? Ah si, il y a des belles. J'en ai fait une de 800 grammes quand même. Ah oui ? Ah oui, il y a des belles bêtes. Et des carpes aussi. Tu trouves encore le temps de pêcher ? Oui, ça c'est une passion. J'y suis souvent très bonne heure le matin, je reviens à l'atelier pour 9h, et le soir, des fois, je suis repartie pour pêcher. C'est un peu une folie de ce côté-là. Et ton atelier, c'est ? Alors l'atelier, c'est Christine Couture, donc il se trouve chez moi, 220 rue des Tournelles à Saulsure, donc entre l'office du tourisme et le lac. Voilà. Et là, avec ces pots de poisson-là, je fais des sacs à main. Donc, je fais beaucoup les rabats ou des incrustations dans des sacs. Voilà. Et là, j'ai essayé les casquettes, les chapeaux. Donc, ça va venir bientôt. Pour l'instant, les essais ne sont pas concluants parce que ça reste un petit peu raide. Donc, il faut les assouplir encore un petit peu plus. Il faut trouver la technique. Ce n'est pas toujours évident. Parce qu'une peau, pour la préparer, il faut compter à peu près 15 jours pour préparer une peau. Il y a 2 heures d'assouplissage à faire. En les manipulant, en les frottant, c'est pas évident. Mais c'est une passion avant tout, voilà. Parce que ça ne fait pas des grosses... Ah ben non. Des pouilles, on pourrait dire. Non, c'est pour ça qu'on peut les faire qu'en incrustation, parce que dans un rabat, on peut mettre... Ah oui, d'accord. Voilà. Ou alors un rabat, simplement un petit sac, on peut faire un petit rabat. Mais bon, il faut que j'essaye au niveau des portefeuilles, au niveau de tout ça, pour l'instant, c'est que le début, voilà. Mais ça plaît beaucoup. Alors, le problème, c'est que les gens, ils sentent pour voir. Est-ce que ça sent encore le poisson ? Une fois passé à l'eau ou au tanin, ça ne doit plus sentir beaucoup. Il y a toujours un effet de cuir, un effet quand même effet qui cuir. Ressort. Mais une fois que j'ai mis de la crème spéciale pour le nourrir, les pores, de toute façon, sont bouchés. On peut même faire couler de l'eau dessus, ça ne passe plus. Hein. C'est quoi ? C'est solide ? Ah, c'est solide. Ah oui, c'est résistant. Dans la durée. Mais il faut l'entretenir. Il faut mettre une petite crème comme on met sur ses chaussures. C'est exactement la même chose. Et là, ça sent bon le cuir. Voilà. Mais quand on parle de chapeau... Ça me l'occasion de donner un petit coucou à une amie de Saint-Amé qui fabrique des chapeaux. Je ne sais pas si tu la connais, Madame Petucci. Non, je ne connais pas. Non. On pourrait d'ailleurs faire une émission ensemble, pourquoi éventuellement, pas. Pourquoi pour pas. Parler, pour parler couvre-chef. Voilà. Hein, confection. Alors, il y a déjà un Alsacien pour qui j'ai fumé ses truites. Donc là, parce que je fais aussi du fumé de truites, hein, je ne vous dis pas. Et là, il m'a commandé un chapeau. Donc, il faut que j'arrive à faire un genre de chapeau avec les peaux de truite. Voilà. Donc là, il en faudra un paquet quand même. Parce qu'une truite, c'est pas bien gros. Hein. Moins de choper les grosses du lac, qui sont des belles grosses, qui font des fois jusqu'à 90 cm quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. La plupart, c'est 50-60. Non, c'est parce que quand ils alvinent, ils mettent quand même de la belle truite. Hein. C'est pour la pêche à la mouche au départ. Bien sûr. Et c'est ouvert à partir du 17 juin jusqu'au 8 septembre, début septembre, sur la pêche au cou. Ça permet d'enlever certaines truites et puis de renouveler pour la pêche à la mouche après, pour les concours, les grands et concours. Et tu exposes ? Alors j'exposerai justement à la samedi dimanche. Voilà, samedi dimanche, voilà. Et on verra la spécialité. Parmi tous ces métiers. J'en ai une autre, mais on en reparlera peut-être si vous m'invitez dans cette émission. Et vous allez voir ce que je fais aussi. Oui. Je vous amènerai ce qu'il faut. Voilà. Ouais, on pourra programmer une émission. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, ça c'est sûr. Je développe énormément de choses. Toujours des idées, toujours des nouveautés. Et la retraite, c'est pour quand ? Pardon ? Et la retraite, c'est pour quand ? Ah, là, j'ai 61, pas avant 67. Et une fois que j'arrêterai, je recommencerai autre chose. Je ne pourrai pas m'arrêter, c'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Mais c'était pas pour te piéger, pour savoir ton âge. Non, je sais très bien. Non. Mais voilà. Bon, j'ai envie du contact humain. Donc, c'est vrai que c'est énorme quand on est une entreprise bien arrêtée sûr. Du jour au lendemain. Vous aurez été retiré du milieu social, de tout, ou alors il faut trouver une autre activité. Ouais. Alors, je rappelle, une fois de plus, voilà. Avant qu'on se quitte, donc cette fête des offerts à Saulsure-sur-Moselotte, samedi à partir de 14h, puis certainement samedi, tard voilà, dans la soirée. Voilà. Tant qu'il y a du monde, Vous serez là, et le bar on peut manger aussi le soir, je suppose. Non, le soir, c'est que le dimanche, le repas du Sagar est prévu le dimanche. Ouais. Voilà. En fait, pas des exceptions là pour. On pourra toujours amener un petit au moins pour les artistes qui vont se produire, les artisans. Je pense qu'on va certainement mettre du verre à disposition. On va mettre peut-être en route le 4 pots. Voilà. Et puis le dimanche, bien sûr, à partir de 10h du matin. Jusqu'à 18h. Ah ben voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous ne sommes pas trop loin. Hein. Donc, l'adresse, c'est bien sûr... 20 rue du Moulin. 20 rue du Moulin, voilà. Ça s'appelle la rue du Moulin. Elle a été baptisée il y a quelques années. Voilà, oui. À cause du Moulin, justement. Donc, c'est la partie... c'est presque à la fourche entre les deux rues de Barmont, entre les deux rues de Barmont. À l'envers et le droit du rue de Barmont. Ouais. Donc, c'est très proche du centre de Saulxures-sur-Moselle. Où on peut trouver les renseignements, votre acte, vos flyers. Il y en a un petit peu distribué partout, mais bon, on peut en trouver soit chez moi, soit... Non, mais je parle parce que nous, bien sûr, on complète un petit peu Résonance FM, hein, puisque c'est quand même le secteur de Résonance FM, mais il n'y en a pas forcément sur Remiremont, sur Saint-Étienne. Oh, si, on en a déposé un petit peu partout. À l'Office du Tourisme. Dans les commerces. Aux médiathèques. Aux médiathèques, oui. Bien sûr. Mm-hmm. Et puis, on en a mis aussi sur des parkings, sur les voitures. Autrement, pour l'association, pour vous contacter, les numéros de téléphone. Alors, il y a déjà le mien, donc le 06 28 09 02 29. Donc ça, c'est le numéro pratiquement qui est aussi sur la page Facebook. C'est toi la secrétaire. Alors oui, je m'occupe aussi de gérer la page Facebook. Donc c'est Musée du Bois de Saulxures-sur-Moselle. Là, vous trouvez tous les renseignements. Et vous pouvez même par Messenger m'envoyer des messages ou alors par mon adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est styldesk, alors styldesc, @gmail.com. Et là, je peux vous renseigner, comme là, j'ai renseigné une personne qui voulait amener, c'était ouvert aussi pour les chiens. Et ça figure, sur les tracts. Sur les tracts, voilà, oui, tout est mis. Donc, voilà. Ou alors, il y a aussi l'adresse aussi, c'est association du patrimoine-patrimoine. @orange.fr. Donc là, vous avez aussi des renseignements. Et là aussi, ça figure. Voilà, ça aussi. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Hein. C'était un petit peu rapide, mais c'était une émission qu'il fallait faire. Prononcer. Et puis en même temps, parler, bien sûr, de cette installation de Saulxures-sur-Moselle, hein, site de Saulxures-sur-Moselle, qu'il ne faut pas manquer. On vous remercie de nous avoir invités. Eh bien, merci à vous. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, et merci. Puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.